une histoire particulière. En juillet 1944, Anthony Clark est chef artilleur et participe à la campagne d'Italie. La progression est risquée et sur les hauteurs de Sansepolcro, le commandant ordonne à Clark de préparer ses canons pour pilonner la ville et détruire le palais communal qui conserve la fresque de Piero della Francesca, la résurrection. Bravant les ordres, Clark refuse d'ouvrir le feu, prétextant que les Allemands n'y sont plus. Tout de suite, Patrick Boudet et Vincent Deck vous racontent la suite de l'histoire de la résurrection. Essere davanti a un capolavoro è sempre una cosa, un grande senso di responsabilità. Se trouver face à un chef-d'œuvre crée toujours un sentiment de responsabilité. La difficoltà maggiore è stata quella di non avere documentazione. La plus grande difficulté était celle de ne pas avoir de documentation en notre possession. E quindi noi ci trovavamo di fronte via via sempre. Nous avons donc été confrontés à des situations qui devaient être étudiées et interprétées. E quindi prima di tutto, quello che ci appariva era molto diverso. Et ce qui nous est apparu en premier était très différent de ce que nous avons ensuite découvert petit à petit au cours des opérations de restauration. La résurrection de Piero della Francesca. Deuxième partie, la restauration de l'œuvre. Un documentaire de Patrick Boudet, réalisé par Vincent Deck. La résurrection, œuvre du Quattrocento de Piero della Francesca, a traversé miraculeusement le temps, sortant indemne de la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'officier Anthony Clark, qui s'opposa au bombardement de la ville lors de la campagne d'Italie. Mais en 2015, l'œuvre paraît plus fragile que jamais et il faut impérativement la sauver des outrages du temps. Cecilia Frosinini et Paola Ilaria Mariotti, de l'Office de la pierre dure de Florence, vont se charger de sa restauration, prolongeant ainsi la vie de cette fresque, mais aussi permettant à un monde oublié, caché, de faire à nouveau surface. C'est aussi l'occasion de relire l'œuvre et de se la réapproprier. La résurrection est une œuvre extrêmement importante, tant du point de vue historique qu'artistique. Nella pittura di Piero della Francesca, sia proprio anche per questo. À la fois parce qu'elle est fondamentale dans la peinture de Piero della Francesca, mais aussi parce qu'elle unit un sujet religieux et un sujet profane. Ha avuto una serie di danni. Cette œuvre a plutôt subi une série de dommages dus à l'abandon. A un certo punto non aveva più. Parce qu'à un certain moment, cette salle n'a plus eu la fonction de lieu de réunion pour l'assemblée politique de la ville. Diventò un deposito del Monte dei Figli, no? Cioè del. Elle est devenue un mont de piété, c'est-à-dire un lieu où l'on venait pour gager des objets précieux contre de l'argent. Quindi sappiamo che. Nous savons donc que c'était un endroit très triste après avoir été abandonné au XVIIIe et XIXe siècle. La restauration de l'œuvre a duré un peu plus longtemps que prévu. Nous pensions pouvoir la réaliser en 18 mois. En réalité, cela a duré 3 ans. Allora, prima del nostro restauro, l'affresco era molto scura. Avant notre restauration, la fresque était très sombre, car elle avait été l'objet d'interventions non documentées. Des fixatifs avaient été appliqués qui se sont assombris avec le temps. La peinture était littéralement devenue marron. Et puis, il y a eu un phénomène de sulfatation, une maladie du plâtre peint qui est très dangereuse, car elle conduit à sa destruction. Et en plus, il y avait des zones où le plâtre se détachait parce que Sansepolcro est dans une zone sismique. Des couches de plâtre sur lesquelles la peinture est déposée s'étaient donc détachées. Le operazioni pulitura sono state da una parte molto emozionanti anche. Les opérations de nettoyage étaient très émouvantes parce que cette patine brune cachait, par exemple, dans le paysage, deux édifices. Un vero e proprio borgo dipinto Un vrai village peint derrière le Christ ressuscité qui n'était pas visible avant. Nous avons redécouvert la ville de Saint-Sépolcro dans son intégralité. Car nous ne pouvions voir que la forteresse de briques à droite du Christ. Mais avec le nettoyage est apparue toute la silhouette de la ville de Saint-Sépolcro. C'est cela qui est surprenant dans le cas de Piero della Francesca, c'est son attachement particulier pour Borgo San Sepolcro. Franck Mercier, historien. Quand Piero della Francesca reçoit commande de cette fresque, il est déjà considéré comme un peintre très important, pourvu d'une notoriété déjà bien établie. Il est au milieu de sa carrière, il a une cinquantaine d'années, puisqu'il est né a priori vers 1412. Il a déjà réalisé des œuvres importantes, là où on peut évaluer son importance, c'est que Piero della Francesca est désormais appelé par des princes. Au moment où il réalise la fresque de la résurrection à Borgo San Sepolcro, il est appelé aussi à Rome par le pape Pie II pour travailler dans ses appartements privés au Vatican. Donc c'est un artiste pleinement reconnu. Et qui, en même temps, accepte encore de travailler pour des institutions qui sont liées à la ville de Borgo San Sepolcro. Et cela nous renvoie à l'ancrage personnel de Piero della Francesca à Borgo San Sepolcro, qui est la ville où il est né, mais aussi la ville où il est mort, en 1492. Et Piero della Francesca, on sait qu'il quitte régulièrement la ville de Borgo San Sepolcro parce qu'il est appelé sur des chantiers prestigieux, mais en même temps, il est toujours revenu à Borgo San Sepolcro. Il n'a jamais quitté complètement la ville. Et Piero della Francesca, lorsqu'il signe par exemple certains de ses tableaux, puisqu'il en a signé un certain nombre, il fait le choix de signer Petro de Bourg Saint-Sépulcre. Et c'est comme cela que pour ses tableaux les plus personnels, il signe. Toujours en renvoyant à Bourg Saint-Sépulcre et toujours par conséquent aussi, d'une certaine façon, à la résurrection aussi du Christ. Oppure un'altra, diciamo, scoperta della pulitura. Une autre découverte, grâce à l'opération de nettoyage, a été celle des bourgeons sur l'arbre de gauche. Cet arbre qui, dans le passé, a été interprété comme le symbole de la mort. Cette découverte des bourgeons au sommet des branches a donc changé également l'interprétation de l'iconographie du paysage peint de la résurrection. Et ce qui est frappant, c'est que il y a des arbres de part et d'autre du corps du Christ, mais ceux qui se trouvent situés à sa droite et à gauche, donc pour le spectateur, sont représentés comme s'il s'agissait d'arbres morts, dépourvus de feuilles, tandis que de l'autre côté, on va trouver des arbres qui se distinguent par une frondaison verdoyante très présente. Et il est effectivement tentant d'en proposer une lecture symbolique avec cette idée aussi d'un passage de la mort associé au supplice du Christ et à cet arbre dénudé à la vie avec la résurrection et puis le retour à une nature verdoyante qui resplendit. La fresque fonctionne aussi selon un mouvement, selon une dynamique qui va de la gauche vers la droite avec un passage aussi donc de la nature morte à la nature finalement vivante ou qui est revivissante, et aussi une dynamique finalement temporelle, avec la mort associée à, justement au temps d'avant la résurrection et au futur qui se situe après la résurrection. Et il y a une lecture que l'on peut faire aussi d'ordre symbolique et temporel, les deux sont liés, de la peinture, autour de la charnière que représente le corps du Christ qui marque le moment de la résurrection. Il y a un avant aussi et un après la résurrection. Et après la résurrection, c'est aussi le temps du salut, en fait, qui s'ouvre et qui est offert aussi aux hommes par le sacrifice du Christ. C'est aussi une façon de montrer que l'humanité est concernée par la résurrection et qu'elle en attend aussi, finalement, son salut, symbolisé voilà, par le retour de la nature à la vie. Cette œuvre-là, je n'oserais pas dire par miracle, mais a traversé 500 ans, 600 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Jean-Paul Mercier, historien. Les restaurateurs qui ont été à l'œuvre entre 2015 et 2018 ont retrouvé des éléments effectivement qui avaient été perdus, puisque Pierrot n'est pas allé chercher bien loin. Il s'est inspiré des paysages de Toscane. Il a repris les petits castellos, il a repris les fameux nuages, ces fameux nuages plats qui sont assez curieux de l'atmosphère de météorologique qui peut régner sur la Toscane. Et Pierrot, tout cela, il le transforme, il le magnifie et il en fait quelque chose d'unique. E c'era nel tardo medioevo, all'inizio del Rinascimento, una grandissima enfasi. À la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, les gens étaient très occupés par la question de la durée de l'œuvre d'art. Spessissimo sul muro. Ainsi, le fait à l'époque de peindre souvent sur les murs s'inscrit dans un souci de la durée. Et poi comunque c'era anche, soprattutto in Italia, on savait que ce seraient des œuvres qui dureraient très longtemps. Et puis, de toute façon, surtout en Italie, on considérait la peinture murale comme étant la plus belle peinture qui soit, car elle se caractérise par une luminosité très particulière qu'aucun autre support ne peut rendre. Il fatto stesso di questi pigmenti che sono estremamente liquidi. Ces pigments, qui sont extrêmement liquides et qui se marient, s'interpénètrent avec le plâtre, parviennent à incorporer une lumière intense qui dérive de la couleur du plâtre lui-même. Les résultats obtenus sont donc de grande qualité, d'une grande transparence, d'une grande élégance, que les autres types de peinture où le support doit être recouvert et où les peintures sont donc plus sombres, ne parviennent pas à transmettre. Allora, noi come restauro pittorico abbiamo usato dei pigmenti minerali. Nous qui avons travaillé sur la restauration picturale, nous avons utilisé des pigments minéraux, inorganiques, et surtout qui sont chimiquement stables dans le temps. Ainsi, nous avons en partie utilisé les mêmes pigments que Piero della Francesca. Je veux dire de la terre, des terres vertes, des terres d'ombre. En revanche, dans les zones où, par exemple, le lapis-lazuli avait été utilisé, nous avons utilisé non pas du lapis-lazuli, mais un pigment de synthèse similaire, un ultramarine artificiel. Cependant, de façon générale, ce sont les mêmes pigments qui sont utilisés. Donc, la résurrection appariva veramente, la superficie pittorica era marrone. Donc la résurrection était vraiment marron, toute la surface picturale. Alors que nous savions que Piero della Francesca est un peintre de la lumière, qui utilisait des couleurs pures, très lumineuses. Donc je peux vraiment dire que la partie la plus délicate était celle du nettoyage. Ad esempio, da un cielo che a noi si presentava all'inizio del restauro. Précisément parce que par exemple, passer d'un ciel marron tel qu'il s'est présenté à nous au début de la restauration à un ciel bleu à base d'azurite tel qu'à l'origine et tel qu'il est aujourd'hui a été vraiment difficile. Cristo che è un incarnato molto luminoso, molto. Ou encore la teinte de la chair du Christ, qui est très lumineuse, très délicatement rendue clair-obscur et qui n'est pas non plus une partie à fresque. Là, nous étions conscients de nous trouver face à une peinture très très délicate. Et par conséquent, nos opérations devaient être très très progressives de façon à respecter la couleur d'origine. Thank you. L'œuvre de Piero della Francesca revient peu à peu à la vie, ressuscitant des détails effacés par le temps, lesquels réinstallent la fresque dans sa dimension métaphysique. Avec un Christ qui a ce geste absolument merveilleux de la main gauche qui ramène sa toge, enfin la robe qui est la sienne, comme une griffure et qui trace des plis dans ce tissu qui est un tissu qui a une très belle couleur rose. Piero della Francesca a utilisé les couleurs de la peinture. C'est une fresque, mais en fait utilisé de la détrempe. C'est ce qu'on fait ressortir, je pense, les restaurateurs. Ils ont vu qu'il y avait des techniques comme une peinture sur panneau, mais retransposée à fresque. Les parties les plus dégradées de la fresque étaient bien sûr celles peintes par Piero della Francesca, avec une technique à sec et non avec la technique à fresque. C'est un phénomène que nous connaissons bien, car malheureusement, ce n'est pas le seul cas. Nous sommes assez habitués à les trouver très détruites et même parfois complètement perdues. La fresque est sauvée et domine la salle désormais vide du palais des conservateurs devenu le musée municipal. Le Christ, sortant de sa tombe, beauté majestueuse et énigmatique, interroge impérieusement le visiteur qui a bravé les obstacles naturels pour arriver à Borgo San Sepulcro. Le Christ a la particularité de regarder le spectateur de face avec une très forte insistance. Et ce regard contribue aussi à, et c'est l'une de ses fonctions, contribue à impliquer le spectateur dans ce qui se passe dans la peinture. Avec l'idée aussi que le spectateur, quel qu'il soit, et où qu'il se trouve évidemment dans la pièce, doit se sentir interrogé, interpellé aussi par le Christ. Donc ce regard fait partie de la puissance iconique, un peu magnétique de cette peinture. Sur le très beau corps du Christ, qui est traité à la manière d'un corps puissant, très musculeux, presque sculptural, qui exprime la force, on voit néanmoins, de manière très évidente, les stigmates laissés par le supplice de la croix. Et la plaie au côté, produite par la lance d'un soldat romain, est même représentée en train de saigner. On voit des gouttelettes de sang qui s'écoulent de cette plaie, comme si le Christ, finalement, n'en finissait plus de saigner. Et en même temps, il s'agit de montrer un corps vivant qui a triomphé de la mort. Donc on ne veut pas effacer les traces du supplice, parce que la résurrection n'annule pas le supplice du Christ. Son corps glorieux doit conserver la mémoire de sa mort ignominieuse sur la croix. Et en même temps, ce corps glorieux transcende la mort, doit manifester sa victoire sur la mort. Donc il s'agit de représenter d'une certaine façon à la fois un corps mort, ou en tout cas qui garde le souvenir du passage terrible sur la croix, et en même temps un corps vivant, doté d'une puissance, d'une vitalité nouvelle, qui montre que ce corps du Christ est revenu de la mort en en gardant la trace, tout en la dominant. L'une des particularités de la représentation du tombeau du Christ, duquel le Christ surgit, est qu'il semble représenté dans une facialité absolue, de sorte que le spectateur ne voit absolument rien, ni des côtés du tombeau, ni surtout de l'intériorité du tombeau. Et ça, c'est l'une des particularités de cette peinture de Piero della Francesca, surtout quand on la compare avec d'autres représentations de ce type. Piero fait le choix de présenter ce tombeau absolument de face. Mais ce qui est vraiment saisissant dans la conception de cette peinture, c'est vraiment le fait d'avoir placé le Christ au-dessus d'une ligne horizontale qui coïncide à la perfection avec l'arête supérieure du tombeau. En conséquence, la ligne sur laquelle se trouve posé le pied du Christ marque une frontière. Il s'agit de montrer que le Christ à la fois ressuscite dans ce monde et en même temps, ce corps qui ressuscite appartient déjà à l'autre monde. Il est déjà d'une nature divine qui fait qu'il échappe à l'emprise de la mort, mais aussi à l'emprise humaine. Piero della Francesca è un artista straordinario ed è straordinario anche perché Piero della Francesca est un artiste extraordinaire, mais aussi parce qu'il est très difficile de comprendre comment une telle intelligence a pu être formée dans un lieu aussi petit et reculé que San Sepolcro. C'est l'objet d'interrogations continuelles. Certes, il a eu l'occasion de venir à Florence, mais nous savons qu'en réalité, il arrive à Florence alors qu'il est déjà un artiste accompli. Il est allé à Urbino, mais en réalité, c'est en tant qu'artiste encore plus accompli. Ceci devrait nous faire réfléchir à l'idée, sans doute trop moderne, que les artistes doivent nécessairement se trouver dans de grands centres de la culture, tels Paris au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, ou dans ce grand pôle d'attraction qu'est New York aujourd'hui. Les artistes nascent et vivent et riescono à former et à crescer anche in luoghi minori. En réalité, de grands artistes naissent, vivent et réussissent à se former dans des lieux mineurs. Et ceci est, je pense, une grande leçon d'humilité, car l'histoire nous met souvent face à cela. La résurrection en elle-même est une œuvre très particulière, parce qu'elle a une extraordinaire capacité d'attraction vis-à-vis du spectateur. Non è un'attrazione della violenza, non è come può essere Caravaggio. Ce n'est pas un attrait exercé par la violence, comme chez le Caravage, ni une attraction par l'esthétique du luxe ou tout autre. Non, c'est une attraction véritablement métaphysique, très abstraite, quelque chose que chacun, je crois, peut ressentir en son fort intérieur. Quand on visite Florence, il faut quand même plusieurs heures de route pour venir jusqu'à San Sepolcro, un endroit reculé dans les montagnes. Voir cette œuvre, c'est selon moi une émotion particulière que je souhaite à tout le monde. La résurrection du Christ, pour moi, ça reste, c'est une question qui reste fondamentale. Dans la mesure où la résurrection du Christ correspond à un blanc du récit dans les textes évangéliques. Aucun texte évangélique ne décrit précisément le moment où le Christ ressuscite et sort de son tombeau. On raconte ce qui se passe avant, on raconte ce qui se passe après, mais jamais l'événement proprement dit n'est raconté. Or, la peinture va ici représenter et montrer, donner à voir quelque chose que les hommes, y compris ceux qui étaient contemporains du Christ, si on peut dire, n'ont pas vu, et quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Et toute la difficulté pour ceux qui sont venus après le Christ, c'est de continuer à croire, mais sans le voir. Et la fresque de la résurrection, d'une certaine façon, elle met aussi en scène cette tension entre le voir et le croire. Les soldats endormis au pied du tombeau ne voient pas, n'assistent pas à la résurrection du Christ. Dans d'autres peintures, d'ailleurs, c'est intéressant, antérieure en particulier, ou même postérieure, on va parfois représenter certains des soldats romains les yeux ouverts, en train de voir cet événement voilà, qui appartient à une autre dimension, mais on les représente les yeux ouverts. Or là, Piero della Francesca a vraiment fait le choix d'endormir, si on peut dire, tous ces soldats, et sont dans la situation qui est celle, finalement, des chrétiens de son temps, c'est-à-dire qu'ils sont en situation aussi potentiellement de croire, mais sans voir. Et il me semble qu'il a disposé ses soldats d'une façon assez logique, de ce point de vue-là, au pied du tombeau, avec à gauche un soldat qui semble profondément endormi, avec même ses mains qui ferment ses yeux, et il est situé du côté de l'arbre mort, tandis que de l'autre côté, du côté donc des arbres de la vie. Il y a un soldat qui est représenté dans une posture particulière qui fait que dans la façon qu'il est allongé, il a le visage tourné vers le Christ. De sorte que s'il ouvrait les yeux, il aurait la possibilité de voir le Christ. Et ce personnage-là représente, à mon sens aussi, l'idée d'une espérance liée à la résurrection, puisque les soldats représentent aussi l'humanité, l'humanité pécheresse, mais qui est potentiellement rachetée par le Christ. Et tout dépend de l'attitude que l'on peut avoir ensuite par rapport à cet événement de la résurrection. Soit on accepte de le croire, soit on refuse de le croire, et les soldats représentent autant de possibilités. Donc il s'agit de croire finalement sans voir. Et la peinture religieuse, elle joue aussi ce rôle-là. Elle doit inciter finalement les fidèles, le spectateur, à croire sans voir Dieu en face, sans voir Dieu dans son essence. La peinture est là aussi pour pallier en quelque sorte aussi cette faiblesse, cette déficience, et aider finalement les fidèles à continuer de croire sans voir. Résurrection de Piero della Francesca. Fin de la deuxième partie, la restauration de l'œuvre. Avec Cecilia Frosinini, Franck Mercier, Paola Ilaria Mariotti et Jean-Paul Mercier. Remerciements à Marie-France Le Pelletier, Paolo Di Dionne et Antoine Lachan. Coordination Christine Bernard avec la collaboration de Daphné Abgral. Un documentaire de Patrick Boudet, réalisé par Vincent Deck. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous finirons l'année en compagnie du plus célèbre des inspecteurs de police. Mais c'est une autre histoire.